Chapitre 5. Choses merveilleuses par lesquelles Dieu signala la sainteté de la bienheureuse Germaine. D'après tout ce que l'on a vu dans cette histoire, il n'y a pas lieu de s'étonner que Dieu, par des effets au-dessus de l'ordre naturel, par des prodiges éclatants, ait manifesté la vertu et la sainteté de la simple et humble bergère. Trois de ces prodiges ont laissé jusqu'à nos jours un souvenir, toujours vivace et toujours récent. Les habitants de Pibrac montrent encore les lieux qui en ont été le théâtre. Nous avons dit plus haut que la bienheureuse Germaine avait coutume chaque jour de se rendre à l'église pour y entendre la sainte messe, en laissant dans les pâturages ses brebis abandonnées à elles-mêmes. Quelqu'un peut-être sera tenté de voir en cela un défaut plutôt qu'une vertu, comme dans celle qui, pour satisfaire sa dévotion particulière, aurait manqué à ses devoirs d'État. Mais, comme elle ne se portait à en agir ainsi que par l'impulsion divine, Dieu, de son côté, pourvoyait d'une autre manière à la garde du troupeau. En partant, la bienheureuse et douce enfant plantait droit en terre sa quenouille. Les brebis, dociles et intelligentes, se groupaient tout autour, et il n'arrivait jamais, pendant l'absence de la bergère et jusqu'à son retour, qu'une seule brebis se séparât des autres, ou que, s'échappant, elle causât quelques dommages dans les champs ensemencés. Ce n'est pas tout. Il y avait dans les bois d'alentour beaucoup de tanières de loups très voraces qui, poussées par la faim, sortaient de temps à autre de leurs repères, surtout en hiver, et, tombant sur les troupeaux même bien gardés et défendus, en faisaient un horrible carnage. Les seules brebis de Germaine, quoique abandonnées à elles-mêmes et sans la garde des chiens puisqu'elles n'en avaient pas, ne furent jamais le moins du monde touchées ou attaquées. Dieu voulut encore d'une autre manière montrer combien il agréait la dévotion de sa servante. Pour se rendre à l'église paroissiale de Pibrac, qui est située sur le sommet de la colline, elle avait à passer un petit torrent qui coule tout au bas et qui sépare une colline de l'autre. Or, ce torrent, très souvent grossi par d'abondantes pluies survenues, roulait ses eaux à plein lit et rendait le passage à gué non seulement difficile, mais impossible, surtout pour une enfant de cet âge. Malgré cela, la bienheureuse Germaine, qui avait mis en Dieu toute sa confiance, au premier coup de la cloche, se mettant aussitôt en chemin, se dirigeait vers l'église et, arrivée au torrent, soit que les eaux suspendant leur cours se divisassent, soit qu'une main invisible la transportât à l'autre bout, toujours est-il certain qu'elle passait librement à pied sec, soit en allant à la messe, soit en revenant. Mais voici encore quelque chose de plus prodigieux dans le fait suivant. La belle-mère de Germaine, ayant appris qu'elle faisait chaque jour l'aumône aux pauvres, en vint à la soupçonner de dérober une grande quantité de pain à la maison. Dans cette pensée qui la rendait plus malveillante encore, toute frémissante de colère, elle voulut un matin aller au champ surprendre en faute sa belle-fille et la punir sévèrement. Arrivée près du lieu où Germaine faisait paître son troupeau, elle se mit tout en marchant à éclater contre elle en injures et en paroles violentes. Puis, l'ayant rejointe, elle lui arracha avec violence son tablier, qu'elle tenait relevé par les extrémités autour de son corps, et dans lequel elle avait véritablement mis quelques morceaux de pain de reste pour les donner aux pauvres. Mais voici la merveille, au lieu de pain, il tomba du tablier une pluie de très fraîches et belles fleurs qui n'avaient jamais été connues dans le pays et qui ne pouvaient venir d'ailleurs, puisqu'on était en plein hiver. Dieu permit que deux hommes de la terre de Pibrac se trouvassent là pour être témoins du prodige, car ces gens, voyant la marâtre courir tout en furie contre sa belle-fille et en devinant la cause, voulurent la suivre pour défendre, s'ils le pouvaient, la pauvre jeune fille contre des voies de fait. Ils étaient précisément de ceux qui jusque-là s'étaient moqués d'une manière si indigne de la simplicité et de la piété de la bienheureuse. À la vue d'un si grand miracle, ils demeurèrent comme hors d'eux-mêmes et immobiles d'étonnement, changeant sur l'heure de disposition et d'opinion envers Germaine. Ils furent les premiers à l'appeler hautement et publiquement du nom de sainte et à faire l'éloge de ses vertus. Ils répandirent dans tout le village le bruit de l'événement que nous venons de raconter, et longtemps après, c'était encore le sujet de l'entretien général. Laurent, père de Germaine, qui en eut aussi connaissance, s'amenda enfin et défendit sévèrement et expressément à sa femme de faire la moindre peine à sa fille. Puis, ayant rendu toute sa bienveillance à celle qu'il avait si tard connue et appréciée, comme pour lui demander pardon de tout ce qui lui avait fait souffrir jusqu'alors, il la pria de bien vouloir reprendre la place qui lui était due au foyer paternel, se réunir à ses frères et sœurs et abandonner le réduit malsain qui lui avait été assigné dans l'étable par son indigne belle-mère. Mais la bienheureuse servante de Dieu, qui avait déjà pris goût aux souffrances, fit si bien auprès de son père qu'il consentit à ce qu'elle restât comme elle était auparavant.